Ahmed, Abu Daoud, Malik, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Darimi. Et cette variante bien précise, elle est celle de Muslim. Rawi al-Hadith, le rapporteur du Hadith, Abdullah ibn Mas'ud, wa qad taqaddama tarjamatuhu fi sharh al-Hadith raqm 5. C'est Abdullah ibn Mas'ud, et ce compagnon, on a déjà vu brièvement, on a parlé de lui lors du Hadith numéro 5. Al-Mufradat, c'est le vocabulaire. Alaykum ismu fi'lin. Amrin, ismu fi'li amrin, bima'na ilzamu as-sidq. Donc c'est un nom commun, mais qui a dans le sens d'un verbe, un verbe qui est à l'impératif. C'est un ordre qui est demandé. Il demande aux gens, aux musulmans, aux croyants, d'être véridiques et d'avoir comme caractère la véracité. As-sidq, mutabaqatul khabar lil-waqi'. Qu'est-ce que la véracité? Qu'est-ce que la vérité? C'est lorsque l'information, elle concorde avec la réalité. Yahdi, yadullu, wa yarshud. Donc c'est, pour expliquer, c'est Yahdi, elle guide, elle dirige vers. El birr, hein, qu'on traduit par la bienfaisance, la piété, le bien. El tawassu' fi fi'li al-khayr. C'est le bien dans toute sa globalité, sa généralité. Wa huwa ismun jami'un للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم. C'est un terme général englobant toutes bonnes actions, tout bien. Et aussi, on l'emploie pour l'action qui est accomplie sincèrement et qui est accomplie en continuité. يتحرى يعتمد ويقصد. C'est-à-dire que c'est une action sur laquelle il s'appuie. C'est pour laquelle qu'il recherche. Al-fujur, al-inbi'athu fil ma'asi. Al-fujur, d'être en plein dans, noyé dans le mal et la désobéissance et les péchés. Wa huwa ismun jami'un lish-shar. Et c'est un terme général englobant tout mal. Wa aslu al-fajr al-shaqul wasi'. إياكم صيغة تحذير من الشر أو ما يضر. Lorsqu'on emploie le terme إياكم, faites attention, il y a une mise en garde, un avertissement contre un mal ou une chose qui est nuisible. والكذب مخالفة الخبر للواقع. Le mensonge, c'est lorsque l'information, elle ne concorde pas, elle contredit la réalité. Al-ma'na al-ijmali, le sens général global. As-sidq khuluq nabil wa min ususi al-fada'il bihi tastaqim al-hayat wa tasir bihi sayran hamidan wa inna as-sidq la yu'li sahibahu wa yarfa' manzilatahu 'inda Allah. Donc c'est un noble caractère, la véracité, d'être véridique, de parler et de vivre et d'agir avec vérité, c'est un noble caractère, un noble comportement et parmi les fondements de base des bonnes manières. Avec la vérité, la vie elle devient droite et on peut mener une bonne vie. Et la véracité elle élève la personne. C'est un noble caractère qu'il a, qui l'élève auprès d'Allah et aussi auprès des gens. Fayakunu muhtaram al-kalima mahbub ilayhim maqbul ash-shahada wal hadith indahum. Et de ce fait, cette personne qui est connue pour parler avec véracité, agir avec véracité, sera une personne dont la parole sera respectée. Il sera bien aimé auprès des gens, son témoignage et sa parole est accepté auprès d'eux. Fa'alayka bitaharris sidq fil qawli wa fil aqida wa fil amal. Donc tu te dois de t'efforcer d'avoir ce caractère de véracité, d'être véridique, que ce soit dans la parole, dans ta croyance, dans ton dogme, et aussi dans tes actions et dans tes œuvres. Hein, vous savez que parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est il y a as-sidq, la véracité. Hein, c'est une parole que tu emploies, que tu formules véritablement. Hein, tu es véridique dedans. Il n'y a aucun mensonge. C'est une vérité, tu crois en cette parole. لقد أرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مسألة تربوية عظيمة وهي طريق تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وذلك بأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة والثالثة والسادسة بعد الخامسة حتى يؤثر هذا التكرار في نفسه وكلما أصر على متابعة ذلك العمل ازداد لسوقا بنفسه ولسوقا فيها. Donc le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous guide, nous dirige vers ce point éducatif énorme et très important qui est un moyen d'éduquer la création, les créatures et d'élever leurs âmes avec ce noble caractère, c'est que la personne, elle parle avec des belles paroles et qu'il agit en bien et qu'il ait cet objectif d'être véridique. Il s'efforce, il fait l'effort d'être véridique une fois après une autre, une quatrième fois après une troisième, une sixième après une cinquième, jusqu'à que ce comportement ait un effet sur lui et que ce soit un caractère qui est collé à lui et qui lui est propre. فَمَنْ طَمَحَتْ نَفْسُهُ إِلَى مَنَازِلِ الصِّدِّيقِينَ وَأَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ خُلُقَهُ وَشِيمَتَهُ وَطَبْعَهُ فَلْيَتَحَرَّ الصِّدْقُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَلْيُتَابِعْ ذَلِكَ فَإِذَا بِالصِّدْقِ خُلُقُهُ وَإِذَا بِهِ يَحْتَلُّ بِعَوْنِ اللَّهِ مَنَازِلَ الصِّدِّيقِينَ. Donc celui qui a une volonté, un vouloir d'atteindre les degrés, les places des véridiques, il se doit de se comporter avec la véracité et que ce soit son comportement. Il s'efforce d'être véridique dans ses paroles, dans ses actes et œuvres et il fait suivre cela toutes les fois. Il garde la vérité avec lui jusqu'à que ça devienne son caractère et son comportement, et en faisant cela, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, il atteint les degrés des véridiques. وكما أن الصدق من أسس الفضائل فإن الكذب من أسس الرذائل. De même que la véracité fait partie des fondements de base des bonnes manières, de même le mensonge fait partie des fondements de base des mauvaises manières et des mauvais comportements. به يتصدع بنيان المجتمع ويختل سير الأمور ويسقط صاحبه من عيون الناس لا يصدقونه في قول ولا يثقون به في عمل ولا يثقون به في عمل أحاديثه باطلة لذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, la construction de la communauté viendra à tomber. Elle viendra être entachée lorsqu'elle sera touchée par le mensonge. Les choses iront mal et la personne, elle tombera. Elle n'aura plus cette place qu'elle avait auprès au regard des gens. Ils ne croiront plus en ses paroles. Ils n'auront plus confiance en ses actes et œuvres. Ses paroles, ses récits, ses propos, auprès d'eux, ils sont faux, inacceptables. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prévenu, a mis en garde contre cela. Wa fil Qur'an il-Karim, كثير من الآيات المقبحة للكذب المنفرة عنه المتوعدة عليه بالعذاب الشديد. Et dans le noble Coran, il y a beaucoup de versets qui montrent la gravité et le côté mauvais du mensonge, des textes qui nous font fuir du mensonge et dans lesquels il y a la menace qu'attend le menteur, il l'attend un châtiment douloureux et dur. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Dans le sens du verset, et ne dites pas par ce que profère volant comme mensonge, ceci est autorisé et ceci est interdit pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, car ceux qui agissent ainsi ne réussiront pas, ne réussiront jamais. C'est un court moment de vie qu'ils ont, et plus tard, ils auront un châtiment douloureux. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Dans le sens du verset, certainement, ne profèrent le mensonge, ne commettent ce péché qui est de mentir que ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah ou aux versets d'Allah, ceux-là, ce sont les menteurs. وَهَلِ الشِّرْكُ وَاتِّخَاذُ الْأَنْدَادِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ الْجَرَائِمِ وَالذُّنُوبِ إِلَّا كَذِبِ وَهَلِ النِّفَاقِ الَّذِي هُوَ شَرُّ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيعِ إِلَّا كَذِبِ. Et n'est-ce pas que le polythéisme d'associer à Allah Azza wa Jal et de lui donner des égaux ou des semblables, c'est le plus grand des crimes et le plus grand des péchés. N'est-ce pas que c'est un mensonge? Celui qui profère cela et qui prétend qu'Allah a des associés, il a menti. C'est contraire à la réalité. La réalité, c'est qu'Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé. Il doit être adoré seul. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est du mensonge. Et n'est-ce pas que l'hypocrisie, qui est pire et un plus grand mal que la mécréance apparente, la mécréance claire, celui qui est hypocrite, on parle du grand hypocrite, celui qui fait apparaître l'islam alors qu'il mécroit dans son fort intérieur, alors qu'il est mécréant, celui-là il est pire que le mécréant qui te montre sa mécréance. N'est-ce pas que cela aussi c'est du mensonge? Il fait apparaître l'islam alors que ce n'est pas vrai, il est en train de mentir, c'est contraire à la réalité. C'est pour dire que tous ces grands mots, ils sont issus du mensonge. وكذلك الغش في المعاملة ونية الإخلاف في المواعيد والرياء في الأعمال كلها من ضروب الكذب. Il en est de même de la tricherie dans les relations, dans les transactions, et aussi l'intention de ne pas tenir son engagement dans les rendez-vous et autres, et aussi l'ostentation dans les œuvres, d'embellir, de parfaire son adoration pour plaire à celui qui te regarde, ou pour qu'on entende parler de toi en bien. Tout ceci, hein, ce sont différentes sortes de mensonges. Et combien de gens tombent là-dedans? Wallahu al-musta'an. Il y a des gens, ils sont connus. On les appelle des mythomanes. C'est de la mythomanie. Et tellement qu'ils sont menteurs, qu'eux-mêmes, ils oublient qu'ils ont menti. Ils inventent des mensonges, mais tellement qu'ils sont noyés dedans, qu'eux-mêmes, ils oublient qu'ils ont inventé le récit. Et qu'ils ont inventé ces histoires. Wal'iyadu billah. Et ceux qui témoignent mensongèrement, gratuitement ou pour gagner un vil prix de ce bas monde, il y en a combien, wal'iyadu billah? Tout ceci entre dans cette interdiction. Ceux qui mentent lorsqu'ils remplissent des documents, qui donnent des informations mensongères, alors qu'on leur demande d'être véridiques, que tout ce qui est écrit concorde avec la réalité. Mais pour gagner un vil prix de ce bas monde, il est prêt à mentir. Wal'iyadu billah. Le mensonge est interdit complètement face à des musulmans ou face à des non-musulmans, des mécréants, quels qu'ils soient. Le musulman, même les mécréants, témoignent de lui qu'il est véridique. Et ils voient en lui ce comportement. Comment tu peux appeler les gens au bien si toi-même tu n'appliques pas le bien? Si toi-même tu n'es pas un exemple dans tes paroles et dans tes actes? De même, de cacher une mauvaise intention. Tu n'as pas l'intention de respecter ton engagement et tu t'engages. Tu n'as pas l'intention d'être là à l'heure au rendez-vous et tu donnes une certaine heure et un rendez-vous. Alors qu'au fond, de même, tu te maries. La belle famille pense que tu te maries véritablement pour rester avec cette femme. C'est ton intention et toi, au fond de ton cœur, tu as l'intention de ne pas rester avec cette femme. Wal'iyadu billah. Que du mensonge dans la transaction, dans le commerce. Tu vends une marchandise, tu sais qu'elle a un défaut qui n'est pas voyant, qui ne se remarque pas, et tu vends ta marchandise, puisque la personne en face n'a pas vu ce défaut. Ce n'est pas bien. Un musulman, c'est quelqu'un d'honnête. À l'époque du prophète, sallam, il y a des gens qui essayent de le faire. Un grand sac où il y a de la nourriture, la bonne nourriture qui apparaît bien, ils la mettent en haut, et en bas, il y a la mauvaise. Subhanallah. Et lorsqu'on entre la main à l'intérieur, on va chercher, c'est là qu'on ressort que ça n'a rien à voir avec ce qui apparaît. Il faut faire attention. Un bon musulman, c'est quelqu'un de droit, de véridique. Il y en a, ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose. Ou parce qu'ils sont dans un monde de menteurs, que eux aussi, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils leur ressemblent. Tout le monde le fait, donc je le fais. Combien parlent ainsi? Subhanallah. Même si tu es tout seul, tu te dois d'être véridique. Jamais on imite les gens dans le mal. Les gens, lorsqu'ils nous font du bien, on peut leur ressembler dans le bien. Ils nous ont encouragés, aidés d'une manière ou une autre à faire le bien, mais jamais dans le mal. Il ne faut pas être la personne qui suit aveuglément comme ça. Et elle dit, les gens, s'ils font du bien, ben je ferai du bien, et s'ils font du mal, eh ben je ferai du mal. Non, si les gens font du bien, je fais du bien. Et s'ils font du mal, je ne ferai pas du mal. Et le musulman, il aime pour son prochain, son frère, ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc, comme tu veux qu'on vienne à toi, viens aux gens. Comme tu veux qu'on parle à toi, parle aux gens. Comme tu veux qu'on se comporte avec toi, comporte-toi avec les gens. Et on sera à l'abri de beaucoup de mal et de problèmes dont on n'en a pas besoin. Donc, l'islam est innocent de ces mauvais comportements jusqu'à ce qu'on en est arrivé à faire croire que les musulmans s'est collé en eux d'être des mauvaises personnes. S'est collé en eux d'être des menteurs. S'est collé en eux. C'est pas normal. Subhanallah, ce n'est pas normal. Donc, un musulman, c'est quelqu'un de véridique. Quand je témoigne avec véracité. Je remplis un document, tout est véridique dedans. Quand je parle, c'est vérité. Je raconte une chose, c'est une vérité. Et à force de s'efforcer, on devient véridique. Qu'Allah nous guide vers les meilleurs comportements. Fabda'id ayyuha al-muslim. Et encore pire, le mensonge entre les créatures, c'est grave. Le mensonge à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam. Le mensonge à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala, là le problème il est encore plus grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man kathaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu de l'enfer. Parce que là ça devient une législation. Tu entres dans la religion, ce qui n'en fait pas partie. Et quel est le plus injuste que celui qui ment à l'encontre d'Allah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Et quel est le plus injuste que celui qui profère un mensonge à l'encontre d'Allah? Donc, hein, il y a un danger. Et il y a des gens, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Ils mentent même dans la religion. Des gens ont confiance en eux. Et ils pensent que ce sont des gens qui ont un certain niveau, ou parce qu'ils ont un statut d'imam ou de mufti, ou je ne sais. Et ils se mettent à répondre aux gens. tout en sachant qu'ils sont en train de mentir aux gens. Le pire, c'est quand la personne, elle, consciemment, il le fait. Ou pour gagner un vil prix de ce bas monde. Pour gagner de l'argent, il est prêt à donner la réponse que les gens veulent entendre. Wal'iyadu billah. Et le haram qui est clair, net, ils viennent te l'autoriser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Comme l'ont fait les juifs et les chrétiens auparavant. Ils rusaient pour autoriser ou interdire, contredire la législation. Et il y en a qui vont le faire. Et le prophète nous a mis en garde. Ne tombez pas dans les mêmes pièges que ceux d'avant vous. La tartakibu martakabat al-yahoud. Ne commettez pas ce qu'ont commis les juifs auparavant. Vous allez en arriver par la ruse à autoriser ce qu'Allah a interdit. Et maintes moyens, ils essayent de le faire. Et le prophète nous dit dans la fin des temps qu'il y en a qui vont autoriser des choses qui sont clairement interdites dans la religion. Wal'iyadu billah. Et dans le hadith, dans la science du hadith, il y a l'étude des narrateurs, les personnes dont les noms sont cités avant d'atteindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'atteindre les compagnons et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont tous dignes de confiance et véridiques. On ne discute plus une fois arrivé au compagnon. Mais avant le compagnon, chaque narrateur, il est scruté, étudié. Allah tabaraka wa ta'ala fait à toute époque des ulama qui viennent préserver la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous cite tout sur les narrateurs. Et lorsqu'ils ne le connaissent pas, ils disent c'est quelqu'un qui est ignoré. On ne le connaît pas. Inconnu. Et après, ils donnent le jugement du hadith. Donc tout est réglé, tout est préservé, alhamdulillah. Et il y en a qui ont menti dans le hadith volontairement. Et puis il se trouve des excuses, ils se légitiment. Ils disent ce qui est interdit, c'est de mentir sur le prophète. Mais nous, on ment pour le prophète. Ça va fort, c'est fort. Pour encourager les gens à faire des bonnes œuvres, on n'a rien comme texte. Donc on invente un hadith pour les pousser à le faire, cette bonne œuvre. Donc on l'a fait pour le prophète. A'oudhu billah. Ce n'est pas parce que le texte, il est en conformité avec la législation qu'on va se permettre de l'attribuer au prophète. Alayhi salatu wassalam. Fabta'id ayyuhal muslim anil kadhib warba binafsika an taharrih fa inna fihi wa fi taharrih wa taqassudihi al halaku wal inhidar ila huwwatil fujur. Donc ô toi le musulman, éloigne-toi complètement, totalement du mensonge et préserve ton âme de tomber dedans. Car le fait de tomber dans le mensonge ou de s'efforcer d'être menteur, c'est aussi, c'est une école, le mensonge. Wal'iyadhu billah. Et de chercher le mensonge, c'est une chose qui va t'amener à ta perte. Et te faire tomber dans la perversion et le mal. لِأَنَّهُ يَسُوقُ صَاحِبَهُ وَيَجُرُّهُ إِلَى مَنَازِلِ الْفُجَّارِ. Car il fait tomber la personne et le fait descendre vers les degrés des pervers. وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي النَّارِ. Et les pervers, leur demeure, c'est le feu de l'enfer. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. Dans le sens du verset, et les pervers sont certainement dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Ils y entreront le jour de la rétribution. مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Les leçons à retenir du hadith. أولا, premièrement, وَجُوبُ الْتِزَامِ الصِّدْقِ. L'obligation, le devoir d'être véridique et de vivre dans la véracité. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dans le sens du verset, Allah nous dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah, Faites preuve de piété envers Allah et soyez avec les véridiques. C'est-à-dire, restez avec les gens qui sont véridiques et aussi, soyez des véridiques. Ayez le comportement des véridiques. Parlez avec véracité. Agissez avec véracité. De par votre comportement, vous êtes avec les véridiques. Et vous êtes du nombre des véridiques. Thaniyan, deuxièmement. وفي الحديث قاعدة تربوية. Et dans le hadith, il y a une règle d'éducation, éducative. وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق العالية كالصدق والصبر والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواظب عليها. Cette règle éducative que nous enseigne le prophète sallam est que celui qui cherche à avoir des bons comportements, des comportements et des caractères élevés, comme la véracité, comme la patience, comme le courage, il se doit d'aller les rechercher et il se doit de s'efforcer de les avoir, et après il y reste en constance. فيتحرى الصدق فبتحري الصدق والتزامه يصبح صادقا. En recherchant la véracité et en l'appliquant sur soi-même, il deviendra véridique. وبالتصبر وتحمل الشدائد يصبح الصبر له خلقا. Et en s'efforçant d'être patient et endurant, et en acceptant les difficultés et les duretés qu'on vit, la personne, elle aura comme comportement en lui la patience. وَبِلْ مُدَى وَمَتِي عَلَى الرَّذِيلَ وَتَحَرِّيهَا يُصْبِحُ الرَّجُلُ كَذَّابًا وَرَذِيلًا. Et celui qui s'efforce et qui est constamment dans des mauvaises actions, les actions qui rabaissent et qui font tomber, humiliantes, celui-là, en agissant ainsi, il deviendra un menteur, un grand menteur et une personne dotée de mauvais comportements. Thalithan, troisièmement, وفي الحديث التحذير من الكذب ومن التحري. Et dans le hadith, il y a l'interdiction du mensonge et de s'efforcer d'être menteur ou de mentir. Rabi'an, quatrièmement, وأنه يقود إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النار أعاذنا الله من الكذب والفجور والنار. Et aussi, quatrièmement, comme enseignement qu'il y a, c'est que الفجور, le mensonge, il mène vers le fujour, vers le mal, vers la perversité. Et ce mal et cette perversité, elle mène vers le feu. Qu'Allah nous préserve, nous protège du mensonge, du mal et de la perversité et du feu de l'enfer. Wa subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.